qu'un jour il faudra bien nous séparer la main, je sais. Je sais qu'un jour noir viendra bien qui en laissera un chemin. Je sais qu'un jour il faudra bien s'en aller vers d'autres rivages. Je sais qu'un jour il faudra bien plus regarder vers le demain. Je peux pas imaginer, tu sais, la vie sans toi pour me sourire. Y'a tant d'amour encore en nous qui chauffe nos cœurs et nos corps. Tant d'années passées à s'aimer, ça peut pas s'arrêter comme ça. Tant d'années passées à s'aimer, ça peut pas se quitter comme ça. On a encore tellement de choses, tu sais, à découvrir dans notre voyage. On n'a toujours pas fait le tour de notre amour. On va s'aimer encore plus fort, et encore bien plus fort encore. Il faut que tu gardes en toi l'envie de te bagarrer et de continuer. Je sais que tout ce que je te dis là, tu le sais déjà depuis longtemps. À quoi bon dire et répéter toujours les mêmes choses, pourquoi? Je sais que tu sais, mais moi je peux pas. Mais moi je peux pas m'en empêcher. Je sais que tu sais, mais moi je veux pas m'en empêcher. Il y en a eu d'autres bien avant nous qui ont gagné juste en s'aimant. Des raisons pour se battre encore, des raisons pour être plus fort. On arrivera bien, je te promets, par la force de notre amour. Aller plus loin, mon amour, à s'inventer encore des jours. Ça peut pas se quitter comme ça.